Alors moi les enfants, je veux bien, mais où on va alors là? Qu'est-ce que c'est que ces chansons de maintenant qu'ils nous font alors? Non mais vous avez des gens, ils sont propres, on dirait des banquiers, ils font des chansons, mais c'est de la merde! La musique c'est pour tout foutre par terre, sinon c'est pas la peine! Avant, on avait des petits chanteurs là bien chevelus, avec des vêtements de toutes les couleurs, et des noms de groupes qui font peur, ils cassaient les instruments, ils étaient vivants mon Dieu! Mais les chanteurs maintenant, mais c'est de la merde! Je me suis levé ce matin me disant y'a pas un plan. À chaque coup faut se remettre en chasse. Eh, apparemment c'est la fin des vacances, alors tu bourres, tu bourres, tu bourres, tu bourres, bourres ta valise. J'ai la sensation. Tu as la sensation. Il a la sensation. Ils ont la sensation qu'on va passer à la télévision. Lui c'est Mad Manob, je rime avec Shadow. Bonsoir, je suis à la ch... Qu'est-ce que je fous là? Ni Starsky et Hutch. Ni Placide et Museau. Je suis trop petit. Mais non, t'es pas si gros. T'as voulu voir Drucker. Et on a vu Sinclair. T'as voulu voir Foucault. Et on a vu Pivot. Tu voulais Denisot. On a eu la météo. Et à côté d'Augry. Il y avait Bourouzi. T'as voulu voir Gilbert. Et on a eu Dallas. Ils font les poubelles. Et à Château-Vallon, on a le Nobel. Mon bébé sera Spigrin. Car j'ai l'ange et Catherine. Tu sais, ça me donne les yeux, c'est pas bon pour le pape. Faut qu'il mate, mate, mate, mate. C'est la loi de l'eau. Tu as la sensation. Il a la sensation. Nous avons la sensation. On va passer à la télévision. C'est un beau métier. Surtout pour braguer, on sait pas. Bouger, on sait pas. Chanter, on sait pas. Danser, on sait pas. Gueuler, on n'a pas d'idée. On a beau chercher, on n'a pas d'idée. Oui mais j'ai la sensation qu'on va passer à la télévision. Si j'étais une télé, j'aurais des boutons. Je passerais que du sexe, du corps, des feuilles, ton con. Si c'était une télévision, Miss Monde, son élection, de la science-fiction, des plans mêlés en trois dimensions, et tous les matchs de boxe de Sugar et Robinson. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Méfie-toi de l'implosion. Pardon, oui. Oui, alors beaucoup d'appels pour me dire, mais alors tu ne fais rien s'il n'y a pas Bonaldi. C'est moi qui l'ai fait. C'est totalement inutile, donc totalement indispensable. Alors, il y a encore beaucoup d'appels pour me demander ce que je fais. Moi, j'ai décidé de ne rien faire s'il y a Bonaldi. On se retrouve tout de suite après ça. Bon alors c'est un crocodile qui est dans la jungle et puis il croise Abedi Pelé. Alors il y a Abedi Pelé qui lui dit « T'as pas vu mon ballon ?» Alors le crocodile répond aussi. Alors Abedi Pelé il lui demande « Il est où ?» Et là le crocodile il lui dit « Je l'ai mangé. Ah. » Et ? C'est tout. Désolé. Merci enfin aux 4500 témoins qui sont venus ici se livrer sur ce plateau en échange de rien, juste pour nous éclairer sur la vie et donc un peu sur la nôtre. Merci et bienvenue à Michel Field qui va essayer de réussir là où j'ai échoué, c'est-à-dire d'imposer le port de la pipe et du baise en ville. Donc, Michel, je vous souhaite bonne chance. Merci à celui enfin qui m'a appris que rien du tout n'est impossible, pas même de quitter Canal. Merci à mon maître à moi qui m'a toujours accompagné dans ces moments importants, y compris celui-ci, Pierre Lescure, 49 ans, même si aujourd'hui, malgré ce départ, nous ne sommes même pas fâchés. Au revoir. Allez, on enchaîne, vite, vite, vite. Mon nom est JPP, je suis né à Valenciennes. Un jour j'ai eu un gros ballon pour mon Noël. Reviens, JPP, reviens. Pas pourquoi ? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, ok, ok, ok, ok. Moi, j'adore taper dans le ballon, gagner la Coupe de France, puis le championnat. Dans le foot, il y a que des patrons. Comme ça, hein. Il y a monsieur Tapi, et puis surtout le patron. Reviens, JPP, reviens. Pas pourquoi ? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, ok, ok, ok, ok. Maintenant, ils m'ont mis en Italie. Ça, c'est compliqué, l'italien, hein. Il n'y a pas un mot de français. S'il fait froid, moi, je suis tout le temps malade. Alors, ben, je joue pas, hein. Achoum. Reviens, JPP. Patron ? Patron ? Reviens. Mais pourquoi ? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, ok, ok, ok, ok, d'accord. Oui, okay. Tout à fait, JPP. Reviens, JPP, reviens. Mais pourquoi ? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, ok, ok, ok, ok. Mais pourquoi ?